Merci à Maurice. Et je vous remercie à vous de m'avoir reçu. Régis a appelé pendant l'émission. Ah bon, voilà. Et donc, alors il t'emmerde. La fréquence de EFM. Oui. 89.2. Voilà. Tu peux l'écouter. Voilà.